peur quand ça se répète. Fatigue de l'amour et la flamme. Décortiquer la moindre pensée. Moment précieux, sans être heureux. Aucune variable, rien n'est aimable. Gestion mentale, jusqu'au létal. Rempli de circonscrits, sans aucun but forcé déchu. Donc terre à terre, on prend pas l'œil. Le sens commun, on n'est plus un. Conditionnement des sentiments, être au travail comme du bétail.